le pauvre Grelet était si mal habillé qu'il en paraissait 10 fois plus laid que de coutume. Landry, qui n'osait plus regarder Madelon, tant il était chagriné et humilié vis-à-vis d'elle, regarda sa danseuse et la trouva beaucoup plus laide que dans ses guenilles de tous les jours. Elle avait l'air d'une vieille endimanchée, et on la méprisait pour sa mauvaise tenue, qui n'était point commandée par la misère, mais par l'avarice de sa grand-mère et le manque de goût de la petite fille. Aussitôt la fin de la première danse, Landry s'esquiva et alla se cacher dans son verger. Mais, au bout d'un instant, la petite fadette, escortée du Sauterio, vint bientôt le relancer. Par bonheur pour lui, ni Madelon ni Sylvinet n'étaient de ce côté-là, ni des gens de l'endroit. Il voulut profiter de l'occasion pour remplir sa tâche et danser la troisième bourrée avec la fadette. Il n'y avait autour d'eux que des étrangers, qui n'y fit pas regarder en tentation. Sitôt qu'il eut fini, il courut chercher Madelon pour l'inviter à venir sous la ramée. Mais elle le refusa un peu fièrement. Du plus vite que les verbes furent chantés, la Madelon partit avec d'autres danseurs. Landry fut bien peiné de voir que la Madelon ne montrait aucun souci à son endroit. Il s'avisa qu'elle n'avait pas pour lui grande attache, puisqu'elle s'amusait si bien sans lui. Quand elle eut contenté ses 3 danseurs, Landry s'approcha d'elle, désirant lui parler en secret et se justifier de son mieux. « Ouida, Landry, tu viens donc me faire danser à la fin. »« Non pas danser, dit-il, mais vous dire quelque chose que vous ne pouvez pas refuser d'entendre. »« Oh, si tu avais un secret à me dire, Landry, ce sera pour une autre fois, » répondit Madelon. Là-dessus, elle accepta l'offre de Germain. Et quand elle revint de son côté, comme il la regardait avec des yeux qui se moquaient un peu d'elle, elle lui dit par bravade, « Eh bien non, Landry, tu ne peux pas trouver une danseuse aujourd'hui. Tu seras, ma fine, obligée de retourner au Grelet. »« Et j'y retournerai de bon cœur, » répondit Landry, « car si ce n'est pas la plus belle de la fête, c'est toujours celle qui danse le mieux. » Là-dessus, il s'enfuit aux alentours de l'église pour chercher la petite fadette et il la ramena dans la danse, tout en face de la Madelon. Il dansa, de bourrée, sans quitter la place. Mais, par malheur, son triomphe donna du dépit à 5 ou 6 gamins qui la faisaient danser à l'habitude. Ils se mirent à la critiquer, à lui reprocher sa fierté et à chuchoter autour d'elle. « Voyez donc la Grelette qui croit charmer Landry Barbeau. Grelette, sautiote, farfadette, chagrillée, grillette, ralette et autres sornettes à la manière de l'endroit. »